et bien carnage et destruction. Le respect de la nature, des cultures et les identités. Par la force et les armes, un peuple entier va être massacré.